Bienvenue sur l'antenne du RIG. Il est temps de retrouver l'émission Johnny de A à Z. Join me on RIG. RIG. Oh là là, c'est vachement plus ordonné que nous. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, on va. Vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur RIG, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit, pour écouter évidemment Johnny Hallyday, l'émission Johnny de A à Z. Aujourd'hui, avant-dernière émission de la saison 2019-2020, numéro 425. Bienvenue à tous, nous allons passer donc une bonne soirée, je l'espère bien, ou sinon vous allez écouter un bon podcast, je l'espère bien aussi. Nous avons des problèmes apparemment ce soir sur internet, mais vous allez retrouver cette émission évidemment en podcast très prochainement sur Deezer, sur iTunes, sur Spotify. Ah, vous allez en trouver un peu partout, hein, cette émission-là. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter les sorties du mois de mai et du mois de juin. Le 28 mai est sorti Johnny 1969 avec l'album remixé Rivière ouvre ton lit, ainsi que une autre capture du Palais des Sports 1969 de Europe 1 du 26 avril et aussi Port Bacarès le 9 août 1969. Donc vous allez avoir plein de trucs comme ça. Il est passé le 14 juin, la veille de l'anniversaire de Johnny Hallyday, un soir à l'Olympia sur Olympia TV. Eh bien, on va passer quelques extraits musicaux de cette émission-là. Et puis, on va retrouver, évidemment, l'album anniversaire de Johnny Hallyday, Happy Birthday Live, qui était au Parc de Sceaux en l'an 2000, le 15 juin 2000. Voilà. Et pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va de suite sur l'album 1969. Souvenez-vous, le 28 mai est sorti donc Johnny 69 avec plusieurs éditions. Un coffret super collector comprenant 3 vinyles, 4 CD et un DVD. Le DVD du Palais des Sports 1969. Une réédition, hein, rien de nouveau. Nous avions aussi le disque, le livre-disque, 4 CD. Nous avions aussi après le 3 vinyles Rivière ouvre ton lit, le 3 vinyles du PDS, du Palais des Sports 69 et le double vinyle du Port Barcarès 1969. On va écouter quelques extraits, on va dire, de ce Johnny 69, des titres que on ne connaissait pas auparavant, hein, ou sinon des versions alternatives. On va commencer déjà par deux inédits, du moins un titre inédit et puis une adaptation inédite à notre titre. Ça sera La nuit avec moi et le titre aussi Je suis non violent. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute de l'émission Johnny de A à Z. Johnny Hallyday, c'est pendant 2 heures et maintenant. Take 4. Bien, je voudrais bouger. Je suis très heureux, je voudrais hurler. Fais-moi de la place, je voudrais voler. Ne me touche pas, je suis bien comme ça. Je veux quelqu'un pour partager ma joie. La tête dans la fumée pour la nuit avec moi. Je voudrais rêver. Donne-moi la main, je marche au plafond. Montre-moi l'amour, je saurai pleurer. Je sais qu'en enfer on connaît mon nom. Je veux quelqu'un pour partager ma joie. La

L'adaptation donc du titre Le Fou du Colorado qui est devenu sur ce titre-là, le titre qu'on vient d'écouter, Je suis non violent. À présent, trois titres que nous connaissons tous sur l'album Rivière ouvre ton lit, ou préférez l'album Au blanc ou bandeau, c'est Réclamation, Rivière ouvre ton lit et Voyage au pays des vivants dans des versions alternatives. Donc qu'est-ce qu'une version alternative ? Eh ben c'est une version qui n'a pas été retenue pour l'album, mais ça fait partie des prises, des différentes prises. On va écouter ces trois titres à la suite. Et vous êtes écouté toujours Johnny Hallyday, Johnny de A à Z ici sur RIG. C'est son créneau, 22h minuit sur RIG le mercredi. Hey! Tu es très douce, mais sans cœur et sans âme. de fous. Dans leur douleur, t'en choisis pour maîtresse. Je sais combien d'amour. Intéressant d'écouter ces versions alternatives. Oui, oui. Et tout ça, on le retrouve sur l'album Johnny 69. Il n'y a pas que ça qu'on retrouve sur l'album Johnny 69. On retrouve également le Palais des Sports 1969, la version de Europa de 1969, bien entendu. Donc, une captation tout à fait différente. Et ce qu'il faut savoir un peu sur cette nouvelle version et sur la version précédente, du genre, on va dire 2003, il y a même des titres à rallonge, par exemple. Regarde pour moi, qui dure plus d'une minute de plus. Nous avons aussi Je n'ai pas voulu croire, qui, au lieu de durer sur la version de 2003, 4 minutes 26, dure 7 minutes 19 sur la nouvelle version. Idem pour Caché derrière mes poings, qui dure plus de 9 minutes. Et Je te veux, le sulfureux Je te veux, qui dure aussi plus de 8 minutes sur le précédent et durait même pas 7 minutes. Et puis, nous avons enfin la version intégrale, donc, de Je suis né dans la rue, plus le medley. Le medley qu'on entendait sur la vidéo de Johnny Hallyday au Palais des Sports 1969. Allez, on va écouter de ce nouveau Palais des Sports version Europa. Coupe vite encore Charlie, ça c'est la version inédite, hein, qui n'était jamais sortie auparavant. Fumée entre mes mains, voilà ce qu'on va écouter. Plus Regarde pour moi, Caché derrière mes poings, je n'ai pas voulu croire. Non, ça c'est pour le Port Bacarès, c'est pour tout à l'heure. Allez, on part tout de suite en live au Palais des Sports. Vous écoutez toujours RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit sur Johnny de A à Z. Bah, c'est tout de suite Cours plus vite Charlie. Extrait de la captation de Europe 1 du 26 avril 1969. Ces titres inédits, les trois suivants, arrivent enfin. Charlie avait dit à son voisin Jean, heureusement je crois la même vie depuis déjà longtemps. Faisons alors une course à travers tout le pays. Celui de nous deux qui gagnera et bougera le pays. Cours plus vite Charlie et tu gagneras, ne te retourne pas. Cours plus vite Charlie et tu gagneras, la vie sera pour toi. J'en ai une voiture qui allumait les regards. Il croyait bien que son argent achèterait l'amour. Il avait déjà ouvert les portes de son palais. Recevoir les jolis yeux verts de mademoiselle C. Cours plus vite Charlie et tu gagneras, ne te retourne pas. Cours plus vite Charlie et tu gagneras, la vie sera pour toi. Et le paysan nommé Charlie n'était pas si riche de gens. Il n'avait jamais de beaux habits, il courait les pieds nus. Il connaissait le pays, les forêts et les cours d'eau. Et le vent qui était son ami, lui souffle dans le dos. Accompagne Charlie et tu gagneras, ne te retourne pas. Accompagne Charlie et tu gagneras, la vie se reposera. Sera pour toi. Hey! Et te fumer, te cache à moi, pourtant tu es là. Et même la pluie vient déchirer ton souvenir en moi. Je reste là, ton parfait si faux que tu es là, ma tête tourne. Et je te vois, c'est bien toi, oh non. Tant que t'es fumé, tu es l'arc-en-ciel, dans un ciel qui.

Sur cette nouvelle captation, nous avons enfin eu ce final. Le final de la chanson « Regarde pour moi ». Les fans doivent assimiler les fils d'anciennes chansons et les nouvelles du nouvel album qui n'est pas encore sorti, et aussi en même temps assimiler ce combat de boxe. Voici « Caché derrière mes poings ». Les grands temps, mais je suis 120%. International de boxe, poids moyen, en 10 reprises de 3 minutes. À ma droite, directement venu d'Amérique, 71 kilos et candidat au titre de champion du monde, le bombardier noir de New York, Lester Wilson. À ma gauche, 72 kilos 500, l'actuel champion du monde des poids moyens, Johnny Hallyday. caché, caché derrière mes poings. J'ai vu au troisième rang une fille qui s'en allait. Comme un fou, j'ai crié. Hey! Alors elle s'est retournée. Dansé et mené par Lester Wilson. On va quitter le palais des sports d'ici quelques secondes, d'ici deux secondes, pour continuer ce spectacle. Mais cette fois-ci, ce sera à Port-Bacarès. C'était le 9 août 1969. On va le retrouver avec quatre titres. Compris sa lettre. Le premier, je n'ai pas voulu croire. Une version de plus de 7 minutes. Silence pour ça.

je te plais. Je te plais. Je te plais. Je te plais. je suis dans la rue. Je retournerai à la rue. me maybe. If I believe I was in my baby, if I believe I don't need maybe. Oh, je vais vous entendre crier maintenant. retourne Johnny à Port Bacarès au pied du paquebot Le Lydia pour arriver maintenant à l'année 2006. Un grand bond dans le temps, oui, oui. Est sorti le 4 décembre 2019 le film, le documentaire Un soir à l'Olympia. C'était diffusé à l'Olympia, il y avait eu 3 séances et était diffusé en même temps aussi au cinéma la séance de 20h. Récemment sur la chaîne Olympia TV, le 14 juin dernier, a diffusé ce documentaire Un soir à l'Olympia et je vais vous proposer d'écouter 3 titres. Cours plus vite Charlie, J'ai oublié de vivre et Derrière l'amour. C'était à l'Olympia 2006. Johnny y était du 4 décembre jusqu'au 12 décembre. Une chanson originale de... Du 4 au 9 décembre à l'Olympia. Lors donc de ce fameux flashback tour. C'est Cours plus vite Charlie. Avait dit à son voisin Jean, nous avons, je crois, la même vie, le privé d'un enfant. Jean a alors une course à travers tout le pays. Celui que le Dieu qui gagnera, les fausseurs à l'océan. Contre avec Charlie, tu gagneras, ne te retourne pas. Contre avec Charlie, tu gagneras, la fille sera pour toi. Charlie, tu gagneras, ne te retourne pas. Comme le mec Charlie, tu gagneras, la fille sera pour toi. Pour toi. On va vous chanter maintenant une chanson que j'ai rarement chantée sur scène. Mais j'ai décidé de la faire maintenant, enfin, cette fois-ci, pour vous. Merci. Et j'espère qu'elle va vous rappeler quelques souvenirs, en tout cas des souvenirs de disques. Cette chanson s'appelle « J'ai oublié de vivre ». Johnny ne l'avait pas chanté depuis 13 ans. La dernière fois, c'était au Parc des Princes en 1993. Et il la chante à nouveau en 2006 à l'Olympia. À force de briser dans mes mains des guitares, scène violente sous des lumières bizarres. À force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts, mais pour faire vibrer mon corps. À force de laisser la sueur brûler mes yeux. C'est de crier mon amour jusqu'aux cieux. Les cris qui viennent du ghetto.

la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h à minuit, et dans l'émission Johnny de A à Z. Quelques cris, ce titre-là, on aurait dû le retrouver sur le coffret Happy Birthday Live Johnny Hallyday du Parc des Sceaux. Et en fin de compte, non, ce titre ne figure pas, soi-disant qu'il y aurait eu un problème technique. Pourtant, ce titre-là a servi un peu de pansement à la version de la Tour Eiffel 4 jours auparavant, car Johnny se plantait en disant « le deuxième cri que j'ai crié ». Et ça a été corrigé en disant « la deuxième fois que j'ai crié ». Voilà. Oui, vous pourrez regarder la vidéo, oui, si vous avez la version de TF1, bien entendu. Je vous parle du Parc des Sceaux. Pourquoi ? Parce que depuis le 12 juin est sorti, donc pour l'anniversaire de Johnny Hallyday, 3 jours en avance, ce fameux coffret, plus du moins plusieurs coffrets. Qu'est-ce qu'on a ? On a 2 coffrets LP en noir et en couleur. Nous avons aussi également un double vinyle qui n'y a pas l'intégralité du concert, mais est un vinyle sans les duos. On aurait dû avoir aussi le duo de Sonia Lassen, mais Sonia Lassen n'a pas donné son aval pour, du moins ils l'ont pas trouvé apparemment, ils l'ont pas retrouvé, elle a disparu de la scène. C'était sur le titre Vivre pour le meilleur, qui donc ne figure pas non plus dans ce live Happy Birthday Johnny live sur au Parc des Sceaux. Nous avions également deux digipacks double CD et DVD, avec un digipack avec la puce sonore et aussi également un picture disc qui est disponible un peu partout. Voilà. On va retrouver ce fameux Parc de Sceaux, Johnny fêtait son anniversaire, c'était le 15 juin 2000. Johnny avait 57 ans et puis je pense qu'il était soulagé un petit peu de la pression de la Tour Eiffel où il y avait eu plus de 600 000 personnes. Là, il se retrouvait avec uniquement que 10%, c'est-à-dire 60 000 places payantes lors de ce Parc de Sceaux. Johnny aussi était un peu soulagé de cette pression télévisée qui a été suivie par plus de 8 millions de téléspectateurs. Et Johnny, on le retrouve gai, hilar, souriant tout au long de ce spectacle, un bon spectacle que je me suis précipité de suite, non pas à écouter le son, mais à écouter de suite la vidéo. On avait le son et l'image, bien entendu, et vraiment, c'est un produit de assez bonne qualité, un son brut, certes, tout n'est pas mixé, évidemment, les guitares sont fortes, les chœurs sont également aussi forts que la voix de Johnny Hallyday, mais c'est un concert qui est plaisant à regarder, et de voir Johnny, voilà, avec de superbes costumes, également. On va retrouver Johnny Hallyday avec Je veux te graver tout de suite maintenant, et après nous aurons le titre 100%, mais Johnny le chante seul, pour une fois, seul. J'étais tout seul, je suis parti, et je ne voulais pas m'arrêter. Il a tombé, je l'ai suivi, il a fallu que je te trouve. Soudainement je suis tombé, et comme ça je suis resté. À chaque instant le m'appeler. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré. Tu ne pars pas, tu restes ici, je veux seulement t'émigrer. Tu es né pour être à moi. J'ai mes courir, mais quand tu viens, je veux rester. Je suis sincère, je veux mourir, si tu ne veux pas croire à tout. Mais tu es né pour être à moi. Et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble, mais chaque jour. Tombé, oh. ensemble on est devenu grand. Le bon point en double zéro, paralysé par tant d'amour, on s'apprivoise au jour le jour. David n'était pas là ce soir, mais il est en tournée et il m'a dit de vous dire qu'il regrettait de ne pas être là et qu'il vous embrasse très fort. Vous écoutez Johnny de A à Z ici sur RIG, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Et là, nous sommes en plein dans le concert du Parc de Sceaux. C'était le 15 juin 2000, Johnny fêtait ses 57 ans. Voici la reprise de Bob Seger, Brave Strangers, deux étrangers. Et on s'est aimé, tant peut-être, en utilisant notre amour. Et l'orageux, en tempête, on s'est perdu, chacun notre tour. Et après tant d'amour, Seulement deux étrangers. Et pourtant, on a fait tellement l'amour. On a fait tellement l'amour. Jusqu'à épuiser nos cœurs. Ah! Jusqu'à embriser nos corps. Oh, Happy Birthday Live, c'est le nom de l'album qui est sorti le 12 juin 2020. Et célébrer les 57 ans de Johnny Hallyday. Et là, on va retrouver tout de suite le titre « Ma gueule ». Johnny l'a interprété avec Rita Mitsuko lors de la Tour Eiffel. Là, on va le retrouver en solo. Ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. On sait que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour nous planter mieux qu'un couteau. Mais quoi ma gueule? Si tu veux te la payer, eh bien je rends la monnaie. T'as rien dit, je l'ai déjà dit. On va pas y passer la nuit. La gueule et moi on est sortis. On cherchait plutôt les amis. Ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Oui, elle a une grande gueule. Oui, elle me fait la gueule. Elle s'imagine que j'y dois tout. Sans elle, j'aurais jamais plané. Sans elle, je ne vaudrais pas un clou. Ma gueule a bien le droit de rêver. De galère en galère, elle a fait toutes mes guerres. Chaque nuit blanche, chaque jour sombre, chaque heure saignée, hier idée. Elle m'a pas lâché du nombre quand j'avais mal, même qu'elle pleurait. Qu'elle a ma gueule, je m'en fous qu'elle soit belle, au moins elle est fidèle. C'est la commune que je connais, et qui me laisse aller tout seul, et je ne veux même pas en parler, et qui se fout. On passe les duos et on arrive bientôt au final de ce concert du Parc des Sceaux du 15 juin 2000. Vous reconnaissez l'intro ? Bien sûr, c'est l'envie. Vous écoutez toujours Johnny de A à Z ici sur RIG, la radio de Johnny, de 22h jusqu'à minuit. L'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne à la fin la soif, puis un festin.

qui va durer 4 heures. Ça commencera à partir de 20h jusqu'à minuit. Et ce sera une battle. Johnny contre les Beatles. À bientôt à toutes et à tous. Bonne nuit. Ciao, ciao.